Chapitre 9e. Le doigt mordu. Paulin Broquet s'engagea dans les longs couloirs qui relient les bâtiments de la Sûreté au palais de justice, et après avoir franchi la salle des pas perdus, il s'engagea par l'escalier de droite, appelé vulgairement les marches des clercs, et se trouva bientôt sur le boulevard du palais. Il descendit vers la Seine, tourna le quai de l'horloge et gagna le pont Neuf. Puis, comme un bon bourgeois qui a du temps à gaspiller devant lui, nez au vent, cigarette au bec, il s'engagea sur le quai des Orfèvres et en flânant, il regarda les diverses boutiques qui ouvrent sur le quai. Avec quelques badauds qui déjà stationnaient là, il s'arrêta devant le magasin d'un marchand d'oiseaux. Dans des cages se trouvaient des serins, des capucins, des fauvettes, des pinsons, quantité d'oiseaux des îles, puis des pigeons roses et plus bas des lapins, des poules et même des chats. Tout cela faisait un vacarme épouvantable que le cri aigu et guttural à la fois d'une tribu de perroquets dominait. Paulin Broquet s'amusa à regarder les évolutions de tout ce monde, à entendre ce tapage, et il jetait de temps en temps les yeux dans le fond de la boutique. Là, dans la pénombre, se tenait une brave femme en lunettes, coiffée d'un bonnet, qui lisait un journal, et un brave homme préparant consciencieusement la pâtée de ses pensionnaires. Dans la boutique, d'autres cages d'oiseaux plus fragiles, plus rares, de plus haut prix. Sur des perchoirs, des perroquets blancs à uproses, des aras, des cacatoès de toutes couleurs, et se racontant à qui le plus fort, le mieux, des histoires des pays lointains. Cela formait un concert assourdissant, et il fallait vraiment ou être sourd plus qu'à moitié, ou en avoir une longue habitude, comme le marchand et sa femme, pour pouvoir résister à ce tapage. Paulin Broquet fit un pas vers la porte du magasin, comme pour mieux voir un des perroquets sur son perchoir. Puis, ne pouvant résister au tapage, il s'éloigna, reprit sa marche tranquille, regarda quelques pêcheurs qui trempaient un fil illusoire dans les eaux de la Seine. Enfin, ayant tiré sa montre, comme si l'heure de se rendre à son travail était arrivée, il se décida à se diriger vers les bâtiments de la Sûreté. Mais il se trouvait assurément en goût de flânerie, car au lieu de se rendre directement du côté du grand porche qui ouvre sur le quai des Orfèvres, il passa par la rue de Harlay. Paulin Broquet se promena quelques instants sur la place Dauphine, déserte, délaissée des Parisiens, et ressemblant à un coin de province. Il se prit à regarder la façade de l'immeuble qui donnait sur cette place aux quelques arbres rabougris, immeuble dont l'autre côté ouvrait sur le quai et qui avait l'une de ces trois boutiques occupées par le marchand d'oiseaux. Puis, comme s'il avait perdu quelque chose, comme s'il cherchait un objet à terre, il partit de cette façade de la place Dauphine, regardant le sol avec la plus grande attention. La place Dauphine est simplement constituée par du macadam, mais la rue de Harlay coupant le palais de justice est soigneusement asphaltée pour que le bruit des chevaux et des voitures qui peuvent y passer soit atténué et ne vienne pas troubler Thémis dans ses fonctions ou dans son sommeil. Il traversa cette rue de Harlay, la coupa en biais, et vint se heurter au mur du palais de justice, non loin du grand escalier majestueux et à peu près inutile, au bout duquel se trouve la salle des pas perdus. Là, naturellement, il s'arrêta. Encore très soigneusement, il étudia le sol, le pied de l'immense monument, puis il leva les yeux et regarda le toit. Tout cela fut en somme assez vite exécuté. Finalement, Paulin Broquet abandonna la place Dauphine, la rue de Harlay et même le quai des Orfèvres, pénétra sous le porche de la Sûreté. Quelques instants après, il entrait dans son bureau. Il avait un sourire de bon augure, qui rassura tout de suite ses lieutenants sur le résultat de ses démarches. Paulin Broquet, tranquillement, déposa son chapeau sur la console où il avait l'habitude de le mettre. Il roula une cigarette, l'alluma, et en riant, dit à ses hommes « Mes garçons, nous n'avons plus qu'à trouver le point où ici, dans le palais de justice, Zigomard a branché le fil. » Une demi-heure plus tard, deux ouvriers électriciens appartenant au téléphone pénétraient dans le palais de justice pour réparer une avarie survenue à un appareil pour vérifier un fil. Sans plus faire de mystère quand cela n'est pas utile, disons tout de suite que ces ouvriers étaient tout bonnement Paulin Broquet et Gabriel. Ils montèrent dans les combles du palais. Quelques hommes faisaient le guet au bas des escaliers pour empêcher les regards importuns. Paulin Broquet avait noté, repéré l'endroit qui lui semblait suspect. Il y alla à coup sûr. Dans une des dernières chambres des combles, où près de la croisée passait une gouttière, Paulin Broquet se mit à chercher. « Le fil, dit-il à Gabriel, doit partir d'ici. » Mais, bien qu'il fît appel à toute son ingéniosité, à son instinct fureteur qui allait parfois jusqu'à la divination, Paulin Broquet ne trouva rien. « Bizarre, fit-il, très curieux, allons voir plus haut. » Peu après, avec son lieutenant, il montait sur le toit et arrivait à la gouttière qui recueillait les eaux de pluie dévalant du toit et les conduisait jusqu'à l'égout qui déversait dans la Seine. Paul Lambroquet, penché sur le rebord du toit, regarda dans l'ouverture de cette gouttière. « Voilà, » dit-il simplement à Gabriel, « voilà le fil. » En effet, par une mince ouverture percée dans le toit et dissimulée sous une ardoise, un tuyau de plomb passait. D'un coup de couteau, Paul Lambroquet enleva un morceau de tuyau du plomb protecteur et montra à Gabriel des fils de téléphone. Connaissant maintenant le point exact du passage à travers le toit, Paul Lambroquet revint dans les combles du palais. Il ne fut pas long à présent à découvrir la suite de ce fil qui glissait dans le tuyau de plomb. « Pas mal trouvé, » fit-il, « c'est bien. » Le fil de téléphone s'accolait au fil des lampes électriques qui couraient sur les corniches des combles. Ainsi, il pouvait se confondre avec eux, aller rejoindre les câbles téléphoniques qui passaient trois étages plus bas et desservaient les bureaux de la sûreté. « Pour l'établir, » dit Paul Lambroquet, « il a fallu quelque temps. Mais ce fut assez facile en somme. Les aides s'y sont prises à diverses reprises. Mais on assit souvent, dans cet immense bâtiment, à faire des réparations d'électricité, que leur tâche a été favorisée. Rien de plus simple, en effet, pour Zygomard, que de glisser des hommes à lui dans les réparateurs, d'envoyer de ses affiliés comme électriciens. Le beau de l'affaire est surtout de l'avoir imaginé, d'avoir eu cette audace de mettre les services de Zygomard à côté du cabinet même du chef de la sûreté. Ça, c'est amusant. » Puis il ajouta, « Maintenant, c'est nous qui allons rire. » La prétendue réparation achevée, Paul Lambroquet et Gabriel allèrent déposer leurs habits d'ouvrier électricien et revinrent dans leurs habits de ville habituels. Avant de regagner son bureau, Paul Lambroquet se rendit chez M. Urbain, le juge d'instruction, et lui demanda de délivrer deux mandats d'arrêt en blanc. « Ce sont de braves gens, lui dit-il, qui ont commis quelques indiscrétions dont ils devront sous peu vous donner explication. » Malgré l'insistance de M. Urbain, il ne voulut donner aucun détail. Ayant mis dans sa poche les deux mandats d'arrêt, il revint trouver ses lieutenants qui l'attendaient avec anxiété. « Mon garçon, dit-il à l'amorce, tu vas aller de n'importe quel point, mais assez loin cependant. Tiens, j'ai une idée, du bureau de M. Simonet. » « Au ministère des Affaires étrangères ? » ?»« Parfaitement. Tu vas téléphoner ici, à moi, me priant de passer au plus tôt voir le ministre. »« Bien, chef. » »« Gabriel sera là qui te répondra, disant que je n'y suis pas, mais que je ne peux tarder à rentrer. Vous comprenez ?» « Oui, chef, pour gagner un peu de temps. » Paul Lambroquet ajouta, « Mais là n'est pas le plus important de l'affaire. Écoutez bien à présent, mes garçons. Parlez, chef. L'amorce va téléphoner. Toi, Gabriel, tu vas écouter. Vous occuperez le fil aussi longtemps que possible. Et vous ne le lâcherez que lorsque vous aurez entendu ces mots. « Ah, la sale bête, il m'a mordu le doigt. »« Ah, la sale bête, » fit l'amorce. « Il m'a mordu le doigt, » conclut Gabriel. L'amorce demanda, « Mais qui prononcera ces mots ?» « Vous l'entendrez dans le téléphone, ça suffit. »« Vous m'avez compris ?»« Oui, chef. »« Bon, l'amorce, Phil, tu téléphoneras dans une heure exactement. Une heure. » L'heure fixée par Paul Lambroquet allait sonner. À son poste, dans le bureau du chef, Gabriel l'attendait devant la table, ayant la main prête à saisir le cornet acoustique. Vers 7 heures, une brave, bonne, vieille commère aux cheveux grisonnants, sous une capote à rosée pensée, retenue par de larges brides, en lunettes bleutées, un parapluie et un cabas brodé à la main, s'arrêtait en extase devant la boutique du marchand d'oiseaux. C'était une de ces bonnes vieilles que les hasards de la ville laissent à peu près seules dans leur triste logis et qui meublent leur existence vide avec d'affreux roquets, gras, hargneux, des chats obèses et galeux ou des oiseaux qu'elles idolâtrent. Cette commère avait, elle, la passion des oiseaux, et son cœur s'émut en voyant s'ébattre les perroquets. Leurs cris effroyables trouvèrent un écho dans son âme et des larmes avaient mouillé ses paupières. Un des perroquets, sur son perchoir, attira principalement sa sympathie. « Jaco !» lui dit-elle. « Mon Jaco chéri !» La marchande l'aperçut, car elle avait gagné le premier rang parmi les badauds, et elle vint à elle. « Un perroquet, madame ?» lui demanda-t-elle. « Un beau perroquet bien apprivoisé et qui parle ?»« Qui parle ?» fit la commère avec un soupir. « Oui, madame !» affirma la marchande. « Je ne sais pas si c'est le voisinage du palais de justice qui fait ça, mais mes perroquets parlent comme des avocats. » La commère soupira encore. « Ah, madame, mon Jaco aussi parlait sur son bâton. »« Comme un bâtonnier !» ajouta un loustique aux grands éclats de rire des curieux irrévérencieux. Pour se soustraire au sarcasme, la bonne commère entra dans la boutique. Elle put parler de son perroquet, de son Jaco, hélas défunt. « Ah, madame, » fit-elle à la marchande, « on dit que les perroquets vivent 100 ans. »« Oui, madame, moi je garantis les miens. »« Ah, madame, mon Jaco, je croyais bien que c'est lui qui m'enterrerait. » »« Il est mort ?»« Oui, madame, je ne m'en consolerai jamais, jamais. »« Il faut le remplacer. » Voyez, vous avez le choix, et comme c'est vous, je vous laisserai aux meilleures conditions. » La commère entreprit l'histoire de son perroquet, fit son éloge, raconta ses prouesses, et enfin, quoiqu'elle se fût jurée de ne plus avoir de bête chez elle, se laissa tenter et commença à débattre le prix d'un nouveau Jaco. Le mari de la marchande d'oiseaux se tenait dans le fond de la boutique, à demi caché par un amoncellement de cages, de caisses, de perchoirs. Pendant que les deux vieilles femmes discutaient sur le prix, les qualités, les avantages des perroquets, un bruit singulier se fit entendre dans le fond même de la boutique. On eût dit un roulement de doigts sur une planchette, sur une vitre. La commère ou Jaco défunt n'y fit pas d'ailleurs attention, tout à ses perroquets. Elle n'entendit même pas ce singulier bruit, qui d'ailleurs ne dura que quelques secondes, le marchand d'oiseaux s'étant aussitôt précipité vers l'endroit d'où il semblait provenir. Mais la marchande d'oiseaux avait tourné vers le fond du magasin un regard inquiet. Elle se rassura quand son mari se fut dirigé vers l'endroit d'où ce bruit arrivait. Et elle fut de nouveau toute à la commère, à qui elle comptait bien vendre un de ses pensionnaires. La commère semblait maintenant décidée à faire acquisition de celui qui ressemblait le plus à son Jaco défunt. Le perroquet se tenait sur son perchoir et mêlait ses éclats de voix nasillardes, ses cris à ceux de ses confrères. La commère, tout à fait séduite, avança la main pour le caresser. Mais aussitôt, elle poussa un grand cri de douleur et, agitant la main, s'écria « À la sale bête! Il m'a mordu le doigt !» La marchande s'empressa pour excuser son animal. « C'est qu'il ne vous connaît pas encore, madame. Sans cela, il est très doux, très affectueux. Jamais je n'ai vu de perroquet plus caressant. » Quelque peu refroidie maintenant et secouant encore sa main que recouvrait un gant de filoselle, la commère au défunt Jaco sortit, ayant besoin de la nuit pour prendre conseil sur cet achat et promettant en tout cas de revenir. Une heure plus tard, Paulin Broquet pénétrait dans son bureau où l'attendaient Gabriel et Lamorce. « Eh bien ?» leur demanda le détective. « Qu'avez-vous entendu ?»« Chef, » dit Gabriel, « j'ai parfaitement entendu la communication de Lamorce. Le déclic, la friture, le rire, également, chef, tout comme d'habitude. Bon, c'est tout ?»« Non, chef, j'ai encore entendu la phrase « À la sale bête, il m'a mordu le doigt. » Paulin Broquet, en riant, demanda « Tu n'as pas reconnu ma voix ?»« Non, chef. » Bon. C'est moi qui ai crié. Vous ? Oui, et maintenant tout s'explique. Voici. Le déclic que nous entendons chaque fois, c'est le bruit de l'appel du poste amorcé sur notre fil, une sonnerie sourde, si je puis ainsi dire, un timbre fêlé, car une sonnerie claire eût donné l'alarme aux voisins, qui pouvaient s'étonner de voir ces misérables marchands d'oiseaux abonnés au téléphone. Quant à ce rire singulier, c'est tout bonnement le cri des perroquets qui sont postés autour du poste des aides. Le rire, c'est la voix de Jaco. Paulin Broquet expliqua à ses lieutenants comment il avait découvert ce poste téléphonique secret chez le marchand d'oiseaux, comment il était arrivé à découvrir le fil, à le suivre, en remarquant la trace du raccord de l'asphalte traversant la rue de Harlay et venant de la maison au perroquet jusqu'à la gouttière du palais de justice. Puis il dit « Maintenant, mes garçons, plus un moment à perdre. J'ai des mandats en poche. En fait de perroquet, comme Paulin Broquet, ses lieutenants et quelques hommes de sa brigade descendaient vers le quai des Orfèvres pour aller arrêter dans leur boutique ces deux affiliés des aides, un agent de garde à la porte de la sûreté sous le grand porche lui remit une cage. « On vient de la porter à l'instant, chef, avec prière de vous la remettre tout de suite. Il y a un mot avec. » Dans la cage se trouvait un perroquet. Le mot disait « Je le garantis 100 ans. C'est le plus beau Jaco, c'est le bâtonnier. »